Ça marche, c'est Bonsoir bon. Léa. Salut Léa. Bonsoir. Oui, je t'entends bien. Tu m'entends bien aussi? Désolée, oui, désolée pour. Pas J'ai un de peu galéré souci. à. Où est le Bah, truc? pour tout te dire, le 20h30 m'a perturbée. J'étais encore sur du 20h45. Je viens de faire un teasing Instagram en mettant 20h45 et là, je vois que ça Ah oui, m'appelle. bah, moi aussi, je Et voilà. pensais aussi que c'était 45. Du coup, j'ai Ah, galéré à mais oui, trouver c'est mes ça, on s'est écouteurs et tout, ça laissé. marchait pas. Bon, pas de soucis, c'est bon, hein. En tout cas, ça nous a bien gardé le titre prévu, donc tout va bien. Alors, Voilà. est-ce que les auditeurs vont nous rejoindre à 20h45? Ce sera peut-être le cas. Je vais commencer ce 14e live de Beauté Imaginée par mon Ah, introduction. déjà. Donc, chers futurs auditeurs, bonsoir. Et oui, déjà 14, plus un live un peu spécial la semaine dernière, enfin cette semaine plutôt. Le duel quiz que tu as suivi, j'ai C'est vu. vrai, exactement. Alors, bienvenue dans Beauté Imaginée. Je m'appelle Alice. Je suis passionnée par l'univers de la beauté et je travaille d'ailleurs dans le secteur des cosmétiques. Ici, dans mes podcasts, je vais m'intéresser au rapport qu'entretient mon invité avec la beauté et à sa façon d'imaginer la beauté. Vous, de votre côté, vous allez l'imaginer aussi. C'est ça, la force de l'audio. Et si ça vous dit d'être mon prochain invité, n'hésitez pas à me contacter. Je vois qu'on a une première personne qui nous suit, c'est Esther. Bonsoir Esther. Alors, on va attendre un petit instant, je récupère juste quelque chose, j'arrive. Allô, allô, tu m'entends toujours? Oui, je t'entends bien. C'est Je peut-être suis mon profil qui doit désolée. faire un peu peur, à mon avis. Ah, tu penses que c'est ta photo? Oui, C'est vrai que c'est une photo particulière. Du coup, oui, fan peut-être mystère, je vais le modifier un en joli attendant. emoji. Ah, d'accord, si tu veux. Non, mais on va commencer, hein, pas de Non? souci. Ok, Il y a allez. Esther qui est là pour nous écouter. Donc, Bonsoir, Esther. c'est pour toi, Esther. J'espère que tu es honorée de ce privilège. Alors ce soir, on a décidé avec Léa de parler du marché des cosmétiques et des marques qui transforment un peu ce marché. C'est d'ailleurs vous, chers auditeurs, donc toi, Esther, qui avez choisi ce thème sur Instagram. Alors on espère que du coup, ça vous plaira. Les indie brands, ce sont des marques cosmétiques indépendantes, des marques de niche, c'est-à-dire qu'elles s'adressent à un petit segment de clients et qu'elles se spécialisent. Et le terme indie brands, ça vient en opposition aux legacy brands. Donc, pour vous resituer un peu, on a eu trois grands moments dans l'histoire de la beauté. Je ne sais pas si Léa, t'en avais conscience. En fait, il y a d'abord eu Pas du un tout. début de siècle avec des marques de luxe historiques, tu vois, du genre Chanel, Estée Lauder, Dior. Oui. Et ensuite, donc là, il y avait plutôt tout ce qui était, enfin, c'était le côté un peu élitiste qui était mis en avant. Ah oui. Ensuite, dans les années 80, il y a eu une grande influence de la mode et à ce moment-là, l'inspiration venait de tout ce qui était défilé de mode et donc du maquillage des coulisses en fait. On parle de backstage et du coup là c'était un peu l'émergence des make-up artistes, etc. Comme la marque MAC par exemple, que tu connais peut-être. Oui. Et du coup en troisième temps, si on peut dire, on a cette nouvelle influence des indie brands qui viennent avec l'émergence des réseaux sociaux, puisque aujourd'hui les consommateurs recherchent de la personnalisation et de nouvelles expériences dans la beauté, et ils attendent un peu de partager certaines valeurs avec les différentes marques. Eh bien, nous avons Juliette et Astrée qui nous ont rejointes. Donc, bonsoir à toutes les trois. Alors, on Bonsoir. a Astrée qui intervient Super déjà. cool comme thème de Ah oui, une version un peu plus live. Bonjour à économique, on va tous, dire. hâte Salut d'écouter Juliette. le Merci les filles d'être au rendez-vous. Alors, du coup, on va commencer en parlant un petit peu de ton approche de la beauté, Léa, si ça te va. Donc Ça déjà, me quelle va, est ta oui. routine? Super. Quelle est ta routine beauté actuellement? Alors, en vrai, avec mes études, j'ai pas une grosse routine beauté parce que j'ai pas trop le temps, on va dire. Donc, déjà, D'accord. crème hydratante, quand j'y pense, c'est Ok. pas tout le temps. Je sais que ça devrait être quotidien, mais j'oublie un peu. Après, au niveau du maquillage, je mets du mascara. Et parfois, j'essaie de faire un peu des maquillages sympas avec des ombres à paupières, mais pas tout le temps aussi. D'accord. Et, ah oui, Ok. peut-être aussi avant le mascara, je mets un gel anti-fatigue. Parce que je suis très fatiguée, D'accord. donc pour les cernes, voilà. Ah ouais. Un peu diminuer tout Et ça. D'accord. c'est ça. Et aussi, ah si, un truc que je mets, c'est l'huile de ricin pour faire pousser les cils. Ah. Alors, je ne sais pas Ah, si ça d'accord. marche, mais je me convainc que ça marche. Enfin, voilà, Ouais, j'essaie de me dire que ça d'accord. marche, Toi, mais tu. En tout cas, voilà. l'expérience te Je ne sais déplaît pas pas, si c'est quoi. psychologique. Oui, voilà. Ouais. Peut-être qu'il ne pousse Et pas, mais j'ai l'impression que si. Enfin, bon. Voilà, l'huile de ricin depuis ça très longtemps, s'applique sous quelle j'utilise en vrai. forme? Donc Alors tu en fait, l'appliques. c'est en petite fiole, tu peux prendre un coton-tige et tu mets au niveau vraiment de la racine en fait du cil à la base du cil. Il y en a qui D'accord. mettent à l'extrémité du cil, mais en fait, c'est à la base qu'il faut le mettre parce que c'est comme ça que ça pousse. Donc Ah. voilà. Ok, oui, je vois. Voilà. D'accord. Ok. Huile de ricin. Et donc, du coup, je me souviens que dans le duel entre Astrée et Louis, mercredi, tu avais essayé de compter un peu le nombre de produits et tu n'étais pas aux 16 qui sont Ah oui, non. les 16 produits moyens en France, apparemment, que les femmes utilisent chaque jour. Ouais, c'est fou. Alors, deuxième question. À quelle fréquence tu achètes des produits de beauté? Honnêtement, je pense vraiment très peu souvent. Déjà, on m'en Ouais. offre beaucoup. J'ai de la chance, j'ai des amis très gentils. D'accord. Donc voilà. Mais sinon, je dirais une fois tous les 2 mois ou 3 mois pour renouveler déjà mon mascara. Puisque j'en mets tous les Ouais, jours. Et d'accord. sinon, après, bon, naturellement, le savon, etc. Mais sinon, j'en achète vraiment pas très souvent. Hein. Ça doit se limiter au D'accord. mascara et au parfum. Parce qu'après, j'ai déjà pas Ok. mal de maquillage, de palettes, tout ça. Et ça dure une éternité. Oui, tu Donc, peux voilà. réutiliser. Ouais, d'accord. On a une intervention de En tout cas, Juliette. j'ai hâte de connaître les astuces beauté de Fan Mystère. Parce que j'adore son look et sa barbe. Merci, merci. Et donc, du coup, ouais, tu serais pas une consommatrice boulimique de produits de beauté, on peut dire, Non, voilà, au c'est vu de ça. la Ça fréquence dépend, ça d'achat. dépend, ouais. Et du coup, en général, tu les achètes où plutôt? T'as dit le mascara, le parfum? C'est pas très original, mais chez Sephora, hein, souvent, parce qu'il y a un petit peu de tout. Et il y a aussi D'accord, des marques ouais. un peu plus exclues, par exemple Too Faced, qu'il n'y a pas dans les grands, enfin, dans la grande distribution, pardon, genre Monoprix, tout ça. Donc, Ah, oui. principalement chez Sephora, ouais. D'accord, je vois. Du coup, tu les achètes parfois en ligne ou c'est vraiment en magasin Sephora? Ça m'est déjà arrivé, bah, pour le coup, en ligne avec le confinement, beaucoup plus. Mais sinon, non, je me Ah rends ouais. tout le temps au magasin. Je fais l'effort d'aller jusqu'à D'accord. la boutique. Ah oui. Voilà. C'est plus pour avoir l'expérience un peu de découvrir les Oui, produits c'est ça, en de live ou tester c'est aussi. par souci écologique ou... Ouais. Ah, c'est vrai qu'il y a cette dimension-là, mais non, c'est plutôt pour Oui. tester le produit. Et parfois, ça Ouais. arrive de pas spécialement prévoir de m'acheter un produit de beauté, juste je vais passer devant le magasin et je vais y rentrer et ressortir avec quelque chose. Donc voilà. Ah oui, je vois. Ouais. Les achats d'impulsion, comme on dit. C'est vrai que Exactement. sur le marché des cosmétiques, ça s'y prête beaucoup parce que les Ah oui. packagings sont hyper bien travaillés et tout Ouais, ça. c'est ça. Et est-ce qu'il y a des produits de beauté, enfin des marques que tu aurais achetées qui ne se vendent qu'en ligne, que tu n'aurais pas trouvé en magasin? Est-ce que tu es adepte de marques comme ça? Ben oui, j'ai récemment, enfin le premier produit d'une marque indépendante que j'ai acheté, c'est un shampoing solide, parce que j'avais hyper envie de tester. Je ne sais pas si c'est considéré comme un D'accord. produit de beauté, mais je pense que Bah oui. oui, carrément. Que j'ai acheté en ayant vu en fait sur Instagram une marque qui s'appelle les Savons de Joya. C'est une petite Ah oui. entreprise française en Normandie. Ouais. Et je crois qu'il n'y a D'accord. que quelques boutiques partenaires, mais pardon, chez les coiffeurs, ils vendent éventuellement, enfin, ils vendent le shampoing solide, mais il y a vraiment très très peu de boutiques qui la vendent. Donc ça s'achète principalement sur Internet. Donc voilà. Ok. D'accord. Et t'as apprécié ce shampoing du coup sous format solide? Ça se développe beaucoup, Oui, ça, en ce vraiment. moment. En plus, pour donner un peu plus de détails, j'ai les cheveux très gras, très glamour, je D'accord. sais. Et je cherchais vraiment un shampoing qui allait, où j'allais pouvoir dépasser les 2 jours sans shampoing, parce que sinon, ça pouvait être tous les 1 jour et demi. Et c'est vraiment un peu Ah quand même ouais. handicapant. Donc, Oui. chercher un Quand faut shampoing un les peu plus sécher, tout ça. révolutionnaire. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, oui, ce shampoing-là, il est vraiment bien. Et pour le coup, j'ai pu bien espacer mes shampoings. Ça peut aller, bon, c'est pas énorme, mais déjà 3 jours sans se laver les cheveux, pour moi, c'est un exploit. Donc, Ah ouais, au début, c'est d'accord. un peu Bah bizarre, hein, ouais. le shampoing solide. Hein. C'est assez étrange parce Oui, que c'est tu une frottes nouvelle le crâne expérience. directement avec. Ouais, voilà. Oui, ouais. Mais je l'ai racheté. Là, d'ailleurs, j'ai envoyé ma mère m'en acheter un. C'est le troisième que je rachète et ça fait depuis D'accord, donc t'es novembre fidèle. que. Ah Voilà, c'est ouais, ça. ok. Exactement. Les savons de Joya. Je vois que nous C'est avons ça. Cricri et Samantha qui nous ont rejointes. Bonsoir à toutes les deux, merci de nous Bonsoir. écouter. Chers auditeurs, dites-nous si vous achetez certaines marques exclusivement en ligne, enfin s'il y a des marques de cosmétiques que vous ne trouvez pas du tout en magasin et pour lesquelles vous êtes obligé de passer par le site internet parce que ça fait partie aussi d'une des caractéristiques des indie brands, des marques indépendantes en général, d'être, de pas forcément se proposer en magasin directement et d'utiliser de prioriser le site internet exclusivement. Cri Bonsoir. cri. Bonsoir Cri cri. Bonsoir, Et Cricri. du coup, Léa, est-ce que, enfin donc ouais, les indie brands, marques indépendantes, communiquent beaucoup via les réseaux sociaux pour rassembler une communauté des consommateurs qui seraient plus d'ailleurs des consommateurs. C'est un petit jeu de mots qu'on peut lire en ce moment. Est-ce que toi, tu es présente sur les réseaux sociaux déjà? Oui, surtout sur Instagram. Enfin, principalement sur Ouais. Instagram et de moins en moins sur Snapchat, etc. Mais surtout sur Instagram, ouais, principalement. D'accord. Et tu suis des marques sur Instagram? Oui, plein, hein. Enfin, un peu de tout en fait, vêtements, beauté, bijoux, un peu de Ouais. tout. Comme D'accord. vêtements, oui, bah des grandes marques, hein, ça peut être Nike ou voilà. D'accord. Et Est-ce que beauté, sensible oui. aux... Ouais. Oh, t'es sensible aux éventuelles stories qu'elles peuvent poster? Bah, pour le coup, en fait, ça dépend. Les gros groupes, pas vraiment. Mais les petites marques, justement, pas très connues, j'ai l'impression que la démarche, elle est un peu plus sincère, tu vois. Du coup, ça m'est déjà Ouais, arrivé d'acheter d'accord. un produit d'une pub. Donc, comme je crois que Léo en avait parlé la dernière fois Ouais. de la marque The Ordinary. Je ne sais pas si tu t'en souviens ou pas de cette Ah marque-là. oui, ouais. Et Ah. justement, moi, une fois, j'avais vu une pub de cette marque-là, qui est d'ailleurs Ouais. une petite marque indépendante, et j'avais acheté un Ouais. produit de chez eux, un gel défatigant, pour rester D'accord. dans le Ok. truc. Voilà. D'accord. Et en fait, qu'est-ce qui fait que tu as le sentiment que c'est plus sincère au niveau de leur communication? C'est le fait que y ait juste une ou deux personnes qui incarnent la marque et que ce soit souvent les fondateurs en même temps? Ou tu Oui, dis c'est que ça en comme ils fait, sont c'est petits, ils l'impression sont de moins se dire, corrompus, entre guillemets? ouais, c'est ça exactement, moins corrompu. Alors que les grosses marques, c'est on veut que le maximum de gens achètent nos produits, peu importe leur profil, on s'en fiche. Alors que là, j'ai l'impression que c'était un peu plus ciblé, plus intéressant. D'ailleurs, sur leur site, ils proposent d'évaluer, enfin de te dire quel type de peau tu as en te posant plein de questions. Enfin, j'ai l'impression que c'était plus personnalisé, Ah, c'est ce qui m'a aussi ouais. intéressée. Donc voilà. D'accord. Chers auditeurs, hein, n'hésitez pas à nous dire si vous suivez certaines marques sur les réseaux sociaux et si ça vous parle tout ça. Et tu as déjà acheté un produit présenté par une influenceuse beauté? Ça t'est déjà arrivé? Oui, bah justement, le shampoing solide, c'était une youtubeuse qui est aussi donc, enfin, sur Instagram, qui s'appelle Little G Beauty, je donne son nom, et qui avait Ouais. recommandé le shampoing solide, en fait. Elle aussi, elle l'utilisait avec Ah, des problèmes de d'accord. cheveux gras, etc. Et pourtant, je ne me D'accord, fais tu t'es pas souvent identifié. influencer par... Ouais, voilà. Et là, je me Oui. suis dit, OK, je veux le même shampoing. Donc, c'est pour ça que j'ai acheté Ouais. après ce C'était shampoing cette solide. marque-là qu'elle avait Ouais, c'est ça. Ouais. recommandé. Ah ouais, Les d'accord. savons de Joya. Donc ensuite, ça m'a redirigé vers la page Instagram des savons de Joya. Et c'est comme ça que j'ai découvert la marque aussi. D'accord. Et tu suis beaucoup d'influenceuses beauté d'ailleurs? Franchement, oui, hein. Puisque déjà, je suis. Oui, il y en a plein. Donc, elle notamment, parce qu'elle faisait en fait des Ouais. vidéos sur YouTube. Donc, c'est comme ça que je l'ai suivie enfin, après sur Instagram. D'autres comme Chloé B, qui fait surtout. Qui a sa propre marque de bijoux, etc. Voilà. Surtout des influenceuses beauté, principalement. D'accord. Et est-ce que quand tu vois un placement de produit, du coup en story, est-ce que tu vas plus avoir tendance à le passer ou tu es curieuse et tu vas tous les regarder? Ça dépend des influenceurs. Bah, typiquement, elle, comme elle n'est pas très connue, je sais que quand elle met en avant un produit, encore une fois, au niveau de la sincérité, c'est beaucoup plus sincère et elle montre vraiment ce qu'elle a aimé, enfin ce qu'elle a aimé essayer, etc. Alors que les influenceurs qui ont énormément d'abonnés, ils veulent juste se faire rémunérer. Donc, ils vont proposer même des produits Oui. que eux n'ont jamais testés. Et voilà, donc c'est Tu sens qu'il y plutôt, a un je me côté fais un peu à la influencer par les chaîne petits. parfois. Ouais, voilà, ouais, c'est Ouais. ça. C'est vrai qu'en plus, quand ils deviennent importants avec une vraie communauté enfin, large, etc., ils ont souvent un agent qui filtre les marques en amont pour que ça Ouais, corresponde voilà, au c'est ça. positionnement de l'influenceur et tout. Donc oui, on se dit que peut-être c'est moins un coup de cœur réel qu'ils ont eu, mais C'est bon, il doit y ça. avoir un peu des deux, mais c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'on pense à Stray? Les fans mystères, est-ce que tu as déjà acheté justement un produit que proposait une influenceuse? Ah bah du coup, Ben ouais, oui, comme je c'était disais, la... ouais, Ouais. l'influenceuse, la Little G Beauty, pour donner le nom. Pour les savons Voilà. de Joya, donc... De Joya, Ouais, c'est ça. et ça t'a plu, en l'occurrence. Ah, Donc tu vraiment, oui. regrettes pas. Donc du coup, C'est tu ça, seras ouais. peut-être plus amené à écouter ses prochains conseils Ouais, de c'est ça, c'est placement ce de que j'allais produits. dire Ça la exactement. crédibilise. Complètement. Alors qu'à l'inverse, si tu l'avais vraiment détesté, enfin, y a une part de chance, mais forcément, ça t'aurait créé un a priori Un peu, négatif ouais, pour la c'est suite. sûr. Alors, passons aux questions un peu type de beauté imaginée. Est-ce que tu peux nous faire rire, nous raconter pourquoi pas une erreur cosmétique que tu aurais faite avec des produits de beauté mal utilisés? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui te vient en J'aurais. tête? Ah oui, j'en ai un. Je sais pas si c'est Ouais. drôle, mais je sais que chez Yves Rocher, ils font un gel justement rafraîchissant pour les pieds à la lavande. Et en Ouh là fait, là, moi, quand oui. j'étais un petit peu plus petite, je trouvais ça très sympa et donc je me le suis mis au niveau des yeux. Et en fait, en pensant que Ah c'était là pour là là le là. visage, alors que pas du tout, et ça m'a Ah ouais. brûlé les yeux. En plus, Ah à la lavande, c'était horrible. Vraiment oui. Ah horrible. mon Donc je le Dieu. refais plus. Maintenant, je le mets bien Oui. sur les pieds. Pas... Mais voilà, expérience sympa. Ça m'a fait rire. Ouais. C'est pas gentil de ma part, mais vu que c'est du passé, on peut rire. Ah, mais c'est vrai que mine de rien, il peut y avoir des grosses gaffes. Hein. C'est pour ça que j'aime bien demander ça, parce Mais qu'on se rend c'était compte que tout le affreux. monde a une sale Ouais, expérience. c'est ça. Et à l'inverse, c'est quoi ton produit de beauté incontournable ces temps-ci? incontournable. Pendant que tu réfléchis, on va lancer Un Astrée jour, j'ai qui suivi nous fait un un placement commentaire. de produit d'une fille de télé-réalité. C'est la seule fois où Ah. je l'ai fait. Et j'ai jamais reçu Ouais. le truc. Et c'était Ah des cotons non. démaquillants. Et j'ai jamais eu de dédommagement et tout. Donc, je recommande pas. Oui, bah du coup, évidemment, Ouais. Astrée, là, t'as un a priori négatif pour la suite, quoi. Ouais, c'est sûr. Alors, est-ce que t'as un produit en tête, Alors, Léa? juste en ce moment, comme je passe. Raconte ma vie, mais je passe des Ouais. entretiens de personnalité pour être un peu plus Ouais. apprêtée. Enfin, je l'utilisais aussi un petit peu avant, mais surtout en ce moment, un eyeliner de chez Yves Rocher qui est génial. Je l'adore, il est Ah, hyper d'accord. facile à utiliser et En il est bien feutre. opaque, il tient bien la journée. Ouais, en feutre. Et il est D'accord. super. Et pour ceux qui sont pas très doués pour appliquer l'eyeliner, il est vraiment pratique. Donc Il est voilà. plutôt facile. Bon, à savoir. Je vois qu'il y a Steven qui nous a rejoint. Salut Steven, merci de nous écouter. Steven, qu'on retrouvera dans un live le 16. On va parler de beauté et stress avec Steven en version masculine parce que c'était un thème qu'on avait abordé avec Marine Ah, c'est il y a quelques intéressant. temps et qui avait beaucoup plu. Ah Astrée? oui, il est pas mal, ça te va très bien, ça, surtout avec la barbe. Ah oui, c'est L'eyeliner pour avec la barbe. accorder. D'ailleurs, j'applique l'eyeliner un peu comme sur mon profil, tout autour des yeux, comme ça, j'aime bien. Oui, bah c'est vrai que le trait est net, bravo. Alors, nous passons à la rubrique Les auditeurs t'imaginent, Léa. Chers auditeurs, dans Beauté Imaginée, les auditeurs imaginent de leur côté mon invité. L'imaginaire, c'est aussi la force du podcast. Alors, ce soir, on voudrait que vous deviniez trois caractéristiques de Léa. Son âge, la compétence artistique qu'elle a, et le temps qu'elle passe sur les réseaux sociaux en moyenne. C'est Andrea qui avait proposé de faire deviner ça, ton temps passé sur les réseaux sociaux. Donc, si vous avez une inspiration, selon vous, quel âge pourrait avoir Léa? Quelles compétences artistiques pourrait-elle avoir? Et combien de temps, en moyenne, peut-elle passer sur les réseaux sociaux? Tu as la réponse sur ton téléphone directement, fan mystère, Oui, du temps que tu je l'ai passes. là sous les yeux. Alors, on va voir si à Alors là, je ses dirais que pour avoir une barbe si bien tracée, j'ai yeux. 27 ans. Aussi fourni, c'est ça, il a fallu pas mal de rasage. Je Après. dirais qu'elle sait très bien dessiner, vu qu'elle dessine bien les contours d'eyeliner. Ouais, j'avoue, Moi, je Juliette. pense qu'elle sait trop bien danser. Ah, danser, Steven. C'est marrant, moi j'aurais dit 26 ans, mais peut-être voilà, entre 25 et 30. D'accord. À la voix, c'est ça que t'inspire Léa. Et quelles compétences artistiques? Combien de temps passé sur Moi, les réseaux, j'aurais Esther? dit 18 ans et je pense qu'elle passe plus d'1 heure sur les réseaux par jour. D'accord. Pas beaucoup Et de pour risques, son talent Esther, hein. artistique, je pense qu'elle chante hyper bien. Genre, grande chanteuse. Alors, Léa, est-ce que tu peux nous éclairer? Ah, excuse-moi, il y a une Oui. dernière personne qui va intervenir. Et il y a Sophie et Kevin qui nous ont rejoints. Salut à tous les deux. Steven? Je pense qu'elle est beaucoup dans la musique, mais... Alors, Léa, dis-nous tout. Est-ce le cas? Alors, il y a eu des bonnes réponses. Donc, je n'ai ni 18 ans, ni 20, ni 26. J'ai 20 ans. Voilà. Ah ouais. Ensuite, mon talent artistique, c'est ce que tu as dit. J'aime beaucoup chanter. Voilà. Et pour Ouais. les réseaux Et tu sociaux, chantes très bien. merci. Pour les réseaux sociaux, là, j'ai le chiffre devant moi. C'est 1 h 40. Voilà. 1 h 40 par jour. Oui, par jour, C'est en ce ça? moment, hein, C'est mais la moyenne? sinon, ouais, c'est à peu près ça, peut-être 2 heures, on va dire. D'accord, Voilà, oui, voilà. alors que tu dis là, tu es assez occupé par Oui, c'est ça. ta préparation et du coup, t'essayes de réduire ou tu te dis que bon, au moins, c'est ton Oui, moment de pause ou... j'essaye vraiment de réduire. J'essaye de réduire Ouais. parce que ça peut m'arriver vraiment de passer des heures sur Instagram, mais en fait, Ah oui. après, ça m'énerve parce que j'ai l'impression d'avoir Oui. gâché. Du temps, donc j'essaye de Oui, réduire. ouais. Voilà. Oui, se tenir un peu au courant, c'est toujours agréable de savoir ce qui se fait et tout ça, mais si c'est trop, ouais, si ça prend trop de temps, c'est vrai Oui, c'est que ça. trop, c'est trop. Alors, Astrée? Pour les réseaux, je dirais que vu qu'elle passe des entretiens, elle a dit, donc elle doit pas avoir tant de temps que ça. En plus, faut mettre l'eyeliner, c'est long. Je dirais Running gag. 3 heures, 30 minutes par jour. 30 minutes. Et tu as 21 ans demain, je crois. Oui, j'ai 21 ans Joyeux demain, anniversaire c'est ça. en avance. Merci. Tu pars aux États-Unis demain, c'est ça, après le live, un avion booké Exactement. pour aller au casino. Sans doute fermé en plus, j'en sais rien. Mais... J'aimerais bien, Juliette? Joyeux mais. anniversaire en avance. Merci. Ça vous Est-ce empêche que pas de tu me le peux. souhaiter hein, demain, mais. Oui, tout à fait, t'as raison, faudra pas oublier. Oui. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, nous en dire un peu plus sur bah, peut-être les concours que tu prépares et tes hobbies? Alors moi je suis en classe préparatoire pour les grandes écoles de commerce, c'est le nom complet. Et donc là j'ai passé récemment Ouais. des concours pour intégrer les écoles. Ouais. Voilà, et à côté de la prépa, même si j'ai pas vraiment de temps, j'allais dire je fais du sport, mais en fait pas du tout. Je fais pas du tout de sport. D'accord. Donc C'est ce que tu réponds à tes j'aime oraux, C'est ça. c'est Non, honnêtement, je fais bah, quand j'ai un peu de temps, du piano, ou j'aime bien chanter un peu moins en ce moment. Mais Ouais. sinon, je crois que ma principale activité en ce moment, c'est peut-être plus de voir mes amis. Donc voilà, ça peut être une D'accord. activité. Bah Voilà, pas ouais. grand-chose, mais voilà. Un Et équilibre écouter comme de la ça. musique, hein, c'est un de mes gros hobbies Ah aussi. oui. Je sais pas si ça peut Ah rentrer ouais, dedans, mais d'accord. j'écoute énormément de musique. Voilà, ouais. Et du coup, chers auditeurs, vous pouvez aller découvrir la photo mystérieuse que Léa nous a révélée ce soir sur Instagram avec la photo de sa salle de bain. Je salue au passage nos derniers auditeurs arrivés. Donc, on a Andrea, Elsa et Blaise. Bonsoir à tous. Voilà, donc sur Instagram, beauté imaginée avec le trait du 8 entre les deux mots et sans accent, si vous voulez découvrir cette photo mystérieuse de Léa. La barre ne se voit pas de dos hein, sur la photo que tu as à proposer. Du coup, nous allons Non. passer à notre quiz. On va tester tes connaissances et celles des auditeurs en matière Non. d'Indie Brands. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, les Indie Brands, ce sont toutes les marques indépendantes en cosmétique par opposition aux Legacy Brands, qui étaient les marques historiques un peu de luxe comme Dior, Chanel et Estée Lauder. Aujourd'hui, on a tout un choix de nouvelles marques émergentes qui sont donc indépendantes et qui, en général, ont quelques points communs, comme le fait d'être assez présentes sur les réseaux, d'essayer de partager leurs valeurs avec leur communauté, etc. Est-ce que tu es prête pour ce quiz, Léa? Yes, super prête. Alors, du coup, nous avons 8 questions. Qu'est-ce que tu vises comme note ce soir? Je suis pas très calée sur les marques indépendantes, donc on va dire allez, 5. 5? Ok. Oui. Alors, chers auditeurs, n'hésitez pas à participer, hein, à nous dire un peu votre avis à chaque fois, nous dire si l'affirmation est vraie ou fausse. Je vois qu'il y a une nouvelle. Je fais un petit test. Je ne sais pas si on entend. Je viens de diffuser peut-être une petite musique. Dites-moi, chers auditeurs, si vous l'avez entendu. Je Oui, on vois que c'est une l'entend. nouvelle fonctionnalité. Tu l'entends? Oui, Donc, ça ça va donne envie d'avoir être. un C'était massage. pour. Ah ouais, bon, bah c'est bien, ouais, c'est plutôt dans le thème de la beauté, du bien-être. Mais je vais interrompre parce que c'est pas assez punchy pour lancer ce Ah. quiz. Alors, selon une étude du panéliste Nielsen aux États-Unis, les plus grandes marques de cosmétiques sont autant présentes dans la vente en magasin que dans la vente en ligne. Vrai ou faux selon toi? Vrai. Je pense que c'est vrai. Chers auditeurs, qu'en Ouais. pensez-vous? Il y a Astrid qui avait envie d'intervenir Allez, à avec Juliette, l'instant. on sera là en renfort s'il y a besoin. Bah, Astrid, tu as quand même gagné le grand duel de mercredi, donc maintenant ta C'est crédibilité vrai. n'est plus à prouver. Oui, on entend une petite musique de fond très sympa. Sophie, merci Moi, j'aurais Sophie dit de faux. participer. Faux, donc tu n'es pas d'accord avec Léa, Je Juliette. pense que c'est vrai. Juliette est, elle, C'est vrai d'accord que j'ai avec gagné, je Léa? peux me considérer comme référence. Je dirais faux. Eh bien, en l'occurrence, bravo Astrée, c'est faux. Léa, désolée. Super. Ah En ouais. fait, non, pardon. Alors que les 20 plus grandes marques génèrent 90% des ventes dans les retails conventionnels, en magasin, elles ne représentent que 14% du chiffre en e-retail. En ligne. Tu te rends compte de Oh ouais. l'écart Ah oui, la sur les 20 différence. plus grandes marques? Parce qu'en fait, il y a Ah ouais, ça vaut pas trop. vraiment un. C'est vrai que c'est incroyable. Il y a vraiment une habitude d'achat en magasin. Les distributeurs ont tendance à référencer toujours les mêmes marques, les L'Oréal, etc. Donc, en magasin, elles sont incontournables et voilà, elles représentent les 20 plus grandes 90% des ventes. Alors que en ligne, là, il y a une énorme. Un énorme choix, et là, dans ce cas-là, ces grandes marques ne représentent plus que 14%. Steven? Je pense que c'est faux aussi. Voilà. Bien joué. Je ne Bien sais pas si tu avais vu. déjà entendu la réponse, mais bien joué, Steven. Du coup, nous Ouais. passons à notre deuxième affirmation. Le terme beauty native correspond à la génération des jeunes nés avec le digital et qui ont une culture beauté plus large que les générations précédentes. Beauty native, est-ce que c'est vrai ou faux? Je répète. Ce terme de beauty native correspond à la génération des jeunes nés avec le digital et qui ont une culture beauté plus large que les générations précédentes. Qu'en pensez-vous, Léa? C'est vrai ou faux Moi, je pense selon que c'est toi? vrai. Oui, ça colle très très bien. Enfin, ça m'a l'air d'être vrai. Et donc, tu penses que ce serait la génération concernée en priorité par les indie bands, du coup, pour faire un lien? Oui, je pense. Est-ce que nos auditeurs sont d'accord? Moi, je Juliette? pense que c'est faux. Je pense qu'ils n'ont pas une culture beauté plus large. Ouais, Astrée? Je pense que c'est vrai. Astrée, d'accord avec Léa, Steven? Moi, Merci. je pense que c'est faux. Mais en tout cas, ça m'étonnerait pas si c'était vrai. Bah, navré, Steven. En effet, ce n'est pas faux. Navré, Juliette aussi. Bravo, Astrélia. C'était vrai. Oui, les beauty Merci. natives, ça correspond bien à ça. En fait, ça suit l'expression des digital natives qui correspond à cette génération née avec le digital. Et du coup, les beauty natives ont une culture plus large parce qu'elles sont, entre guillemets, suréduquées, puisque avec Internet, etc., il y a on peut très facilement obtenir les infos qu'on veut. Il y a aussi, bien sûr, plein de, du coup, informations un peu moins pertinentes. Mais en tout cas, cette génération a pour caractéristique d'être contrainte par le fait de devoir assurer un look un peu parfait. Ces jeunes sont aussi soumis à ce que l'on appelle le marketing de soi, non-stop sur les réseaux. Et en plus, dans le cadre de la recherche d'emploi, par exemple, leur présence digitale peut être scrutée. Donc tout ça, ça a des incidences sur leur rapport aux cosmétiques. Et c'est bien la population que les indie brands peuvent ciblé en général. C'est Nous intéressant. avons Astrée qui Si tu veux intervient. réussir et avoir 10 sur 10, tu prends les réponses de Juliette et tu fais l'inverse. Alors pour l'instant, Juliette a tout faux. On va voir. Juliette, tu nous diras à la fin ton score. Les moins de 40 ans, troisième affirmation, estiment que leur façon de consommer peut être influencée par les réseaux sociaux. Les moins de 40 ans estiment que leur façon de consommer peut être influencée par les réseaux sociaux. Vrai ou faux, Léa? Moins de 40. Oui, je dis vrai. Je dis vrai pour tout, en fait, j'ai l'impression. Ah, il n'y a pas de règle, en tout cas. Je fais en sorte de ne pas faire moite-moite ou Oui, mais quoi. ça inclut tous les jeunes, et honnêtement, et puis si on suit un petit peu ce que tu as dit avant, moi je pense que c'est vrai. Ça se Hâte de tient. voir ce que disent les autres. Qu'en pense Steven? 100% vrai. Je pense que on se fait franchement manipuler à chaque page que l'on regarde. Et du coup, ça voudrait dire que oui, les moins de 40 ans sont la cible principale de cette manipulation. Qu'en pense Alors Sophie? moi je pense que c'est vrai. Donc, pour l'instant, tout le monde est d'accord. Est-ce que Juliette va oser un faux? Je pense que c'est vrai. Donc, Juliette n'aura pas un tout faux ce soir. Bravo, Je Juliette. dirais vrai. Astrée? Bien joué à tous. Exactement. Alors, dans les moins de 40 ans, on a les millennials. Donc là, ce sont les personnes nées entre 1980 et 2000, en gros, comme moi. Et ensuite, on a la génération Z. Donc là, c'est plutôt les jeunes nés à partir de 2000, comme toi, Léa. Et donc, notre génération, globalement, est influencée, en effet, par les réseaux sociaux. Et 74% des millennials et 80% de la génération Z affirment que les réseaux sociaux influencent directement leurs achats. Donc, tout à fait. Avant 40 ans, on est assez sensible à tout ça, du coup, de par notre présence sur les réseaux, tout simplement. Quatrième affirmation. Les indie brands sont caractérisés par leur souplesse. Elles peuvent s'adapter rapidement à un buzz du moment sur les réseaux. Voici l'affirmation suivante. L'affirmation, pardon, à confirmer ou infirmer, parce que ce que je viens de dire avant, c'est la vérité, hein. Les indie brands sont caractérisés par leur souplesse. L'affirmation donc. Une tendance est apparue en 2015. Cette mode consistait à utiliser les crayons Crayola pour remplacer les crayons Kohl. Une marque a rebondi et a proposé un partenariat à Crayola pour créer des crayons de maquillage. Vrai ou faux, Léa? Ah, alors je sais que la tendance elle est vraie, mais alors par contre le partenariat c'est fou. Non. Est-ce que tu pourrais répéter ou pas juste pour que j'entende bien la fin s'il te plaît Une de tendance est l'affirmation. apparue en 2015. La mode consistait à utiliser des crayons Crayola pour remplacer les crayons Kohl. Une marque a rebondi et a proposé un partenariat à Crayola pour créer des crayons de maquillage. Je lance une petite musique en même temps parce qu'il faut que je me mette aux nouvelles fonctionnalités. Donc pour Bien toi, sûr. Léa. Ah, je redirais vrai parce que ça me dit vraiment quelque chose, le truc de Crayola. Mais je sais pas si c'était pour les cheveux. Parce qu'en même temps, bon, je vais dire vrai. Je reste fidèle à mon vrai. Mm-hmm. Voilà. Est-ce que Astrée est d'accord avec toi? Je pense que c'est faux. Ça me paraît trop absurde. Trop absurde de s'appliquer du Crayola pour enfants autour des yeux. Est-ce que ça pourrait être une tendance véritablement? C'est absurde, mais bon, on est prêt à tout aujourd'hui. Hein. Et bah bien joué. En effet, c'est assez fou. Ah. Moi, ça m'a beaucoup étonnée. Ouais, c'est fou, hein. Ouais. Alors, en l'occurrence, le partenariat, c'était avec la marque Asos. C'est elle qui a rebondi directement pour proposer à Crayola Beauty, ce partenariat. Et ils ont créé la sous-marque, entre guillemets, Crayola Beauty. Et donc, il y a vraiment eu cette tendance. Toi, tu l'avais déjà repéré sur Internet de se maquiller avec des crayons de couleur. Pourquoi? Parce que ça revenait moins cher et que ça donnait un énorme choix de couleur. Et du coup, Crayola a fait un avertissement sur son site en précisant que la marque déclinait toute responsabilité face à cette utilisation abusive des produits. Et parallèlement, par la suite, ils se sont finalement associés à la marque Asos pour créer une marque de maquillage assez kitsch au niveau des packaging, avec plein de couleurs. Et ça, voilà, ça illustre bien cette souplesse en fait face aux éventuels buzz sur Internet. C'est fou quand même, hein. Enfin, du coup, ils ont réussi à développer ce truc-là par une tendance dont ils ne sont pas à l'origine. Enfin, c'est dingue. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est vraiment un... Ça pourrait être enseigné en marketing comme, méthode pour bien prendre en compte ce qui se fait et rester un peu in. Qu'en penses-tu? Moi, je pense que c'est vrai. Les marques, elles savent bien rebondir sur tout ce tas de choses et notamment s'inspirer de ce que les enfants utilisent ou font. Ouais, c'est vrai que souvent, il y a un côté nostalgique en plus. Donc, tout ce qui rappelle l'enfance, on peut y être assez sensible et tout. Donc ouais, là ça, je sais pas après si ça a bien fonctionné ou pas, mais en tout cas, voilà ce qu'ils ont, ce qu'ils ont osé. Moi ça me donne pas très envie, enfin je sais pas, j'aurais pas envie d'acheter. J'associerais trop. C'est comme je crois que la marque Bic, elle avait lancé sa marque de parfum, mais en fait ça a échoué parce que c'était tout le monde pensait au stylo quoi, donc. Oui, et au stylo pas, qui se caractérise par un positionnement assez entrée de gamme quoi. C'est quantité c'est ça. Pas chère, donc ouais. Pour le parfum, il y a un petit écart, j'avoue. Nous passons à la cinquième affirmation. Les indie brands essayent de proposer de larges gammes pour toucher un maximum de consommateurs. Vrai ou faux, Léa? Faux. Faux pour toi? Voilà, c'est direct. Oui. Direct. Est-ce que les auditeurs sont d'accord? Je lance la musique Summer. Vous me direz, chers auditeurs, très quelle sympa. A été la, je danse la musique dessus. La plus... Tu veux chanter dessus? J'essaie repérer celle qui sera la plus propice au quiz. Comme ça, à chaque fois, je pourrais la mettre en entrée de jeu. Ah. Alors, Sophie... Moi, j'aurais dit faux aussi. Sophie est d'accord avec toi. Et Astrée? Moi, je pense que c'est vrai. Ah, Astrée, attention, ta réputation, là. T'as une réputation à tenir maintenant, Astrée. Parce que c'était faux. Bien joué, Sophie et Léa. Oui. Donc, en fait... Hop, j'interromps la summer music. Hop là. Contrairement aux marques traditionnelles qui proposent des lignes entières et cherchent à donner une réponse globale à leur clientèle, les indie brands sont nombreuses à se positionner sur un petit segment de marché en fait, avec un seul produit pourquoi pas, ou un seul concept. Ça fonctionne très bien sur Instagram. Un exemple de ça, c'est la marque Freck. Je sais pas si tu as déjà entendu parler. Pas du tout, je connais pas. Elle propose juste une encre à taches de rousseur. Donc, tu vois, c'est tout. Ah, je ne connais pas parce que j'en ai pas besoin. Un seul produit. Tu en as déjà. Moi, je pense que c'est vrai aussi. Non, pas bien joué. Navré, Cricri. Merci de participer en tout cas. Sixième affirmation. Hop, petit suspense avec la musique. Face à l'émergence de ces petites marques, les grands groupes doivent répondre. Voici l'affirmation du coup. Les grands acteurs du marché de la beauté sont démunis et subissent en fait l'apparition de ces indie brands aujourd'hui. Vrai ou faux, Léa? Je dirais faux. Enfin, démunis, quand même, c'est fort, quoi. Non, non, je pense que c'est faux. Je pense que c'est faux qu'ils ont su rebondir aussi de leur côté. Oui. Voyons voir qui est en ligne ce soir, qui nous écoute et peut peut-être se positionner sur cette affirmation que je répète. Les grands acteurs du marché de la beauté sont démunis face aux Indie Brands et subissent en fait leur apparition. Juliette, Astrée, Cricri, Sophie, Kevin, Steven, Andrea, qu'en pensez-vous? Astrée. Très sympa la musique d'ambiance, ça met du peps, même si on ne vous entend plus, mais c'est ça qui est top. Est-ce que du coup on nous entend moins ou est-ce que c'est bien positionné en arrière-fond? C'est vrai que je ne me rends pas compte. Et en tout cas, c'est pas évident à arrêter. Moi, je vais dire vrai pour celle-là. Ah, Sophie, tu n'es pas d'accord avec Fan Mystère ce soir. Hop, j'arrête la musique. Du coup, révélation. Léa, tu avais vu juste. Donc, Léa, tu es déjà à 5 bonnes réponses sur 6. Je me souviens plus, tu visais quel score? Excuse-moi, j'ai complètement oublié de le noter. 5 sur 8. Ah, donc bravo, t'es déjà, c'est bon. Tu peux rater toute la suite. Non, en fait, une des stratégies des grands groupes cosmétiques, c'est d'acquérir ces petites indie brands, ces petites sociétés, du coup, comme l'a fait, par exemple, L'Oréal, dès 2014, avec la marque NYX. Tu connais NYX, le maquillage? Ah oui. C'est fou, hein, j'avais pas réalisé qu'elle appartenait... au groupe L'Oréal. L'Oréal c'est est très fort sur ça. Okay. Hein. Ils acquièrent vraiment chaque année des nouvelles petites sociétés comme ça pour garder leur avance. Et en fait, ça leur évite de se lancer sur un nouveau projet sans garantie de réussite. Du coup, NYX avait 13 millions d'abonnés sur Instagram. Donc, c'est comme ça que L'Oréal l'a repéré, en fait. Ouais. Et du coup, il y a LVMH qui, lui, a carrément proposé son propre incubateur, Kendo. Un incubateur, c'est pour soutenir des petites nouvelles marques et les aider, leur fournir les ressources nécessaires en termes de bureaux, de bases de données, ce genre de choses, d'outils pour les pousser, un peu comme, comme un grand frère, entre guillemets, si on peut faire un parallèle, voilà. Et du coup, ça permet à l'entreprise de rester agile, de voir ce qui se fait, d'être à la page. Donc, les entreprises, les grands groupes savent réagir. Que va nous dire Astrée? Ça va, mais je trouve que en vrai, je pense que c'est mieux sans la musique, parce que ça altère un peu l'écoute. Ah bah bon à savoir. Mais Fan Mystère, est-ce que tu investirais dans L'Oréal? Ah, c'est une private joke, je crois. D'accord. Bref. D'accord, du coup. Non, on enchaîne. Pas, mais... L'Oréal, du coup, a priori, gros acteur international, vraiment reconnu. Donc, je vais répondre à la question parce que je veux pas vexer. Je veux pas vexer Astrée. Non, c'est juste que L'Oréal, je crois qu'ils ont pas vraiment développé de produits très éco-responsables, et comme j'en parle beaucoup en ce moment, c'est pour ça qu'elle me demande ça, si j'investirais ou pas. D'accord. Parce que du coup, tu penses que c'est une de leurs limites, ou toi, à titre personnel, ça répond pas à tes valeurs? Moi, à titre personnel aussi, je pense que c'est une de leurs limites. Et d'ailleurs, je pense qu'il y aurait beaucoup à faire dans ce domaine-là. Si c'est un grand groupe, ils devraient en profiter pour... C'est vrai. Mais il me semble que là, ils vont probablement développer une gamme de shampoings solides et tout, donc... D'accord. C'est déjà un premier pas vers des trucs plus responsables. Voilà. Ouais, qui ont moins d'impact sur l'environnement. C'est vrai que tout ce qui est produit solide, ça évite le transport de grandes bouteilles, parce que dans un shampoing, par exemple, il y a une énorme quantité d'eau, alors que quand c'est sous format solide, on l'utilise sous la douche, on ajoute l'eau chez nous sous la douche, donc du coup, il n'y a pas à trimballer cette eau dans un flacon grand, dans des camions, donc c'est notamment pour ça que c'est mieux pour l'environnement. Alors, du coup, septième affirmation. Donc, pour l'instant, on a dit 5 sur 6, encore deux affirmations. Un atout majeur des marques traditionnelles, donc des grands groupes, etc., c'est la souplesse pour réagir au plus vite quand une tendance arrive, grâce à leur richesse. C'est ça, leur atout. Leur richesse leur permet d'être souple. Vrai ou faux, Léa? Faux. Je pense que la production, elle est tellement énorme que c'est compliqué de changer, d'être justement rapide, quoi. D'accord. Voilà, je pense que c'est tout. Ok. Est-ce que vous êtes d'accord, les auditeurs? Je continue quand même avec mes petites musiques, hein? Au moins Oui. un instant. Juliette? Ah, celle-là, elle fait bien suspense, non, comme musique? C'est vrai. Et elle est moins forte, donc Ouais. Moi, je veux dire que c'est vrai. Donc, pour Juliette, c'est vrai. Donc, Juliette n'est pas d'accord avec toi, Astrée. Je pense que c'est faux. Et Astrée est en revanche d'accord. Donc là, cette musique-là, c'est ambiant pour info. Est-ce que Astrée, ça te semble mieux comme ça? Donne-nous ton retour d'auditrice. Steven? Vu que Juliette a dit vrai, je pense que je vais dire que c'est faux. Bien vu, Steven. Tu as eu raison. Tu as eu raison sur ce coup-là. Là, je pense que Alice faudrait baisser un petit peu la musique, puisque même pour moi, c'est fort. Enfin, je ne sais pas. Ah ouais. Tu peux pas baisser le volume, non? Bah, j'ai pas l'impression. Je peux juste cliquer Ah, sur les d'accord. différentes propositions. Je pense que ça peut être sympa de juste la mettre, je sais pas, au Oui. début pour annoncer le Mmh. quiz quand je fais une introduction que je refais un peu à chaque fois et Ah oui. après la retirer, pourquoi pas. Nous avons quelqu'un d'autre qui intervient. Ouais, Astrée. là, la musique est beaucoup mieux, ça, c'est beaucoup moins fort, donc c'est bien. Ça fait bien Ok, bon, alors, suspense, comme musique tu disais. ambiante. Pourquoi pas pour peut-être introduire le quiz. Donc, en effet, c'était faux, hein. Désolée, Juliette. Un atout majeur des marques traditionnelles, c'est certainement pas leur souplesse, hein. C'est des gros paquebots. C'est plus compliqué de changer. Voilà. Un énorme Titanic a du mal à changer de direction rapidement. Et c'est un peu la même chose pour les entreprises. Justement, les indie brands, c'est leur atout. Elles sont souples, elles peuvent réagir après avoir eu certaines remontées, par exemple sur les réseaux de leur communauté. Par contre, l'atout des grandes marques, c'est en effet leur richesse et du coup leur capacité de recherche et de développement pour parfois des produits assez coûteux. Je pense au mascara, par exemple, qui apparemment est assez coûteux en termes d'innovation lorsqu'on fait des recherches sur ce produit précisément. Donc du coup, dans ces cas-là, elles peuvent faire des projets de longue haleine, en fait, ou même pour tout ce qui est un peu révolution, tu évoquais la dimension éco-responsable, elles peuvent quand même investir pour faire des recherches de moyens à long terme. C'est ça leur atout. Steven? Je me demande justement, est-ce que les grosses marques telles que L'Oréal et tout ça, vu qu'ils sont tellement énormes et que ça doit être tellement difficile à gérer, que ce soit en interne ou quoi, ils ne deviendraient pas Ouais. finalement que des gestionnaires de petites entreprises Ah. qui travailleraient au final pour L'Oréal, par exemple, ou autre, et que L'Oréal ne produirait au final presque plus rien, mis à part des choses traditionnelles qui fonctionnent depuis toujours? Bonne question. Je te propose de me Probablement. renseigner pour le prochain live et d'évoquer ce point dans dans une question bonus du quiz. C'est vrai que c'est intéressant. Comment L'Oréal fonctionne? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a plus de nouveaux produits, nouvelles gammes, ou est-ce qu'ils arrivent quand même à innover aussi de leur côté? Ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Des gestionnaires avant tout, c'est possible. Et ça répond du coup à la question d'Astrée tout à l'heure. Alors, Léa, du coup, tu es à 7 sur 8. Non, 6 sur 7, pardon. Tu es prête pour la 6, dernière oui. affirmation? Du Allez. coup, il y a en réalité une seule grosse problématique aujourd'hui à laquelle les indie brands essayent de répondre, c'est l'originalité des produits qu'elles proposent. C'est vraiment ça leur axe si on devait donner un point commun à toutes ces indie brands. Vrai ou faux, Léa? Vrai. Vrai pour toi? L'originalité avant tout. Oui, je pense. Petite musique de jazz. Quel intérêt elles auraient à faire exactement la même chose que ce que font les grands groupes? Enfin, Ouais. c'est mon avis. Je veux dire, je pense qu'elles essayent vraiment de se démarquer par des concepts originaux. Donc, je dirais vrai, ouais. Chers auditeurs, qu'en pensez-vous? À votre avis, est-ce que Léa aura 6 sur 8 ou 7 sur 8? C'est la grande question du jour. J'enlève le jazz, ça ne s'y prête pas. Et dernière possibilité, c'était le disco. Hop, et nous avons Au Astrée. pire, Je je vous vous propose. propose Merci de beaucoup, crier Astrée. constamment, comme ça on vous entendra mieux. Ça pourrait être un concept sympa à écouter, j'imagine. Bon, bah celle-là non plus, hein, disco, elle s'y prête pas beaucoup. Mais c'est vrai que sur Stéréo, il y a pas mal d'émissions un peu Soit pour se réveiller, j'arrive plus à l'éteindre en fait. Il y a beaucoup d'émissions un peu, soit pour se réveiller, soit juste pour échanger comme ça. Donc ça doit plutôt s'y prêter pour mettre un peu d'ambiance. Mais là, nous, on est sur des thèmes tellement profonds et de la réflexion, du coup, c'est moins propice. Alors, chers auditeurs, personne n'est inspiré par cette affirmation. Est-ce que le gros point commun des Indie Brands, c'est de chercher avant tout de l'originalité dans leurs produits? C'est vraiment leur grosse problématique. Juliette, Astrée, Cricri, Steven, Nikki, Andrea, Samantha, merci à tous de nous écouter. On va encore en laisser quelques secondes et puis ensuite on donnera la révélation. Du coup, toi, à part les savons du coup de Joya, t'as d'autres marques en tête qui pourraient être des Indie Brands comme ça? Là, ça me vient pas tout de suite. Bah, je t'ai parlé de The Ordinary. Oui, bien sûr, Après, là, ouais. j'ai pas, ouais, pas C'est vrai trop que ça, c'est d'idées un très fixes, bon mais exemple. voilà. J'avais parlé dans un live précédent c'était par rapport à l'absence de conservateur. Une alternative au conservateur, c'était tout ce qui était produit en poudre. Ça, je crois que tu avais déjà testé. On Ah en avait parlé, tu oui. sais, la marque Yodi, qui propose du coup des shampoings en poudre pour éviter ce côté transport d'eau pour rien. Il y a aussi Respire qui fait un carton, mais qui maintenant se vend même au Monoprix, etc. Donc je pense que peut-être que le terme Indie Brands évolue un petit peu. Enfin, je ne sais pas si elle peut encore, elle pourra peut-être plus si longtemps que ça l'utiliser, mais elle est très présente sur les réseaux. Elle a vraiment une communauté active et tout. Il y a aussi Oh My Cream qui est un gros acteur entre guillemets Ah, ça me des dit quelque Indie Brands chose. en France. Ça dit quelque chose? Du D'accord, coup, oui, j'ai l'impression ils d'avoir ont déjà pas mal de entendu. produits. Et ouais, c'est ils ont d'abord commencé par un site internet et ensuite, je crois qu'ils se sont, ils ont créé, ouvert des magasins face à l'engouement de la Ah, clientèle. d'accord. Alors, nous avons des propositions pour cette dernière affirmation, Steven. Moi, je pense que oui, puisqu'il faut réussir à se démarquer, c'est ce qu'il y a de plus compliqué dans un domaine très très Ouais. compétitif, Ouais, et exact. chercher de nouvelles valeurs qui sont actuelles pour les adolescents qui vont devenir adultes et fortement consommateurs. Astrée. Je dirais que c'est plutôt vrai. D'accord, Pense pense-t-on que c'est d'accord avec faux. Léa? Juliette, on pense que Mais c'est Juliette faux. fait un effort, non, moi je dis faux. Cricri. Ah, Cricri, d'accord avec Juliette, Ah. Steven. Je connais bien, enfin je connais bien, je suis cliente d'une marque qui s'appelle Lush, Ah oui. Ah Lush, quelque chose comme ça. Est-ce que ça peut être Ouais, tout à catégorisé fait. comme une indie, si vous connaissez? Ouais, tout à fait. Ils sont, bah, justement, on parlait de produits solides. Ils sont tout à fait sur ce créneau-là. Et je crois que c'est une marque anglaise au départ. Je pense qu'au départ, ça a dû être considéré comme une indie brand. Et aujourd'hui, face à leur réseau très développé et international, à mon avis, là, ils ont changé de camp, entre guillemets. Là, on est passé quand même sur une autre dimension. Maintenant, je pense pas que enfin, il n'y a pas de définition précise, tu vois, mais c'est vrai que c'est intéressant. Ça, c'est une marque qui a vraiment voulu un peu bah, innover pour le coup et se faire C'est ça. remarquer avec un nouveau concept. Donc, alors, moi, j'avais plutôt répondu faux face à D'accord. l'affirmation selon laquelle la grosse problématique des indie brands, c'est avant tout l'originalité. Parce que parfois, c'est pas tant de l'originalité qu'une volonté de respecter leurs propres valeurs. Je m'explique. Du coup, il y a vraiment voilà, beaucoup pour moi de problématiques aujourd'hui sur le marché de la beauté et les indie brands, du coup, essayent d'y répondre. Voilà, je vais vous citer certaines de ces problématiques. D'ailleurs, au passage, chers auditeurs, dites-moi s'il y a une des problématiques qui vous intéresse particulièrement et que vous aimeriez entendre en tant que thème à part entière lors d'un live, pourquoi pas. Bon, alors, il y a tout ce qui est composition clean, tu vois, le fait d'avoir des formulations, des ingrédients respectueux de la planète et de la peau. Donc ça, tu vois, je ne peux pas dire que ce soit d'une originalité folle, tu vois. Et Oui, pourtant, c'est une vraie problématique du sujet. Enfin, c'est pour ça, mais après, tu as raison, il faut qu'elles se fassent remarquer. Donc, il faut au moins qu'elles soient originales dans leur communication ou dans leur packaging ou quoi. c'est vrai. Il y a aussi l'upcycling. Ça, c'est le fait de recycler les déchets naturels, en fait, pour les réutiliser en cosmétique. Tout ce qui est noyau, par exemple, de produits, enfin, au niveau de l'agriculture classique, de l'alimentation et tout, on peut apparemment réutiliser certains déchets naturels comme ça. Ok, Il je y a savais tout pas. ce qui est. Ouais, ça peut être intéressant, ouais, comme thème, ça se développe. Les cosmétiques sans conservateur, ça, on en avait parlé avec Andrea. Le sourcing local, ça, c'est une vraie attente aussi de pas mal de consommateurs. C'est le fait de créer des produits avec exclusivement des ingrédients français pour limiter les transports. Il y a tout ce qui est donc composition exclusivement naturelle, la transparence dans la formulation, parce que c'est quelque chose qui peut être reproché aux grands groupes de pas assez préciser Les ce composantes qui et tout. Ouais. exactement ce qui compose un produit cosmétique. Il y a aussi la transparence au niveau du fonctionnement de l'entreprise même qui peut être attendue. Et il y a aussi tout ce qui est cosmétique in and out, c'est-à-dire le fait que l'état interne ait un impact sur le visuel externe ensuite. Voilà, dites-moi s'il y a une de ces problématiques qui vous a plus intrigué que les autres. Toi, Léa, t'en penses quoi? La partie sur l'agriculture, ça m'intrigue. Ouais, Quand tu as dit qu'il y le avait des upcycling, produits du coup. ou c'était le truc juste avant, quand tu Le disais qu'il fait y de avait des recycler des mal. déchets naturels. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Donc, upcycling, tu vois, comme recyclage, c'est en anglais, Ah je ne oui, sais c'est pas quel ça, est le terme recycling. français, mais du coup, c'est ça. D'accord, c'est vrai que Je trouve ça ça peut être intéressant. intéressant. Qu'en pense À moi, Astrée? la partie sur le recyclage, je trouve ça Ah, intéressant. bah voilà, pareil. D'accord. Ah, bah, il faudra se pencher sur la question. Si vous connaissez quelqu'un qui peut être intéressé pour être l'invité de ce thème, avec plaisir. Steven, merci Steven de participer. Ça fait plaisir d'avoir un homme Oui. aussi Merci actif Steven. dans les commentaires. Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est une problématique que tu as citée, mais notamment de détruire un peu les idées reçues au Ouais. niveau des produits, comme par exemple les shampoings. Certains ont l'idée reçue que plus ils moussent et plus il est efficace. Ou Ah alors, oui. Ouais. je sais pas, la couleur des cosmétiques ou des choses comme ça. Ah Et du oui. coup, ils ont conçu des produits en adéquation avec ces idées reçues. Donc j'imagine que Oui, voilà. Par exemple, t'as un raison. shampoing solide, Ouais. c'est peut-être pas évident pour tout le monde. T'as raison totalement. Et du coup, ça peut un petit peu répondre à la problématique de transparence dans la formulation. Savoir exactement quel ingrédient sert à quoi dans un shampoing. Parce que Oui. tu évoquais le fait que ça mousse. Ça, c'est en général les sulfates ou des tensioactifs qui permettent ce côté moussant. Et aujourd'hui, c'est une problématique. C'est pas bon pour nos cheveux d'avoir des tensioactifs dans un produit. Et pourtant, comme on a été éduqués dans cette idée que la mousse lave, on a tendance à vouloir que notre produit Oui, c'est mousse. vrai. Donc ouais, c'est vrai que c'est assez intéressant. Il y a du coup des indie brands qui essayent d'éduquer les consommateurs sur les compositions de leurs produits, le fonctionnement des ingrédients et tout ça. Du coup, Et d'ailleurs, Alice, je ne sais pas si tu si... avais Ouais? déjà testé les shampoings bio, mais du coup, pour le coup, ceux-là, ils ne moussent pas du tout et c'est très frustrant parce qu'on a tendance du coup à Ah vouloir en mettre oui. plus, alors qu'en fait, non, ça va pas du Ouais. tout pour. C'est pas fait pour mousser, mais ça ne veut pas dire que ça ne lave Oui. pas, au contraire. Bah, tout à fait, moi, c'est marrant que tu en parles. Je suis en train de tester. J'en avais parlé avec Andrea qui m'avait fait découvrir le shampoing de Ringana sans conservateur parce que leur système, leur principe, c'est le flacon pompe qui évite la contamination par l'utilisateur du coup. Et je suis d'accord avec ça, j'ai tendance à en mettre plus du coup, parce que c'est frustrant en effet. Donc il faut sans doute s'habituer à cette nouveauté. Ouais. Du coup, t'avais pas continué quand t'as Non, parce essayé. qu'en fait, j'ai l'impression qu'il me lavait pas très très bien les cheveux, donc j'ai pas poursuivi le truc, Ah oui, ouais. mais voilà. Du coup, t'es tenté de faire le parallèle avec le côté moussant, sans être sûr. Oui. Mais Le après, savon de les Joya, il mousse ou shampoings, pas? ils moussent super bien, vraiment. Ça qui est... D'accord. Et je suis sûre qu'il n'y a pas de mauvais produits dedans, mais ils moussent très bien. Ah Donc ouais, d'accord. voilà. Ah Et je bah tu sais que vois, la... là, Enfin, je crois ça que nous a la peut-être donné mousse... envie d'essayer. Ouais, oui. Ouais, je vais essayer. Du coup, tu nous as donné Ouais. la réponse, en fait, ou pas de la dernière question? Ou Bah pas? oui, t'as eu faux. Ok, Je n'ai non, pas encore donné. mais Parce que moi, j'avais proposé, enfin, ma phrase, c'était l'originalité comme problématique, grosse problématique des indie brands. Et en fait, j'estime qu'il y a une multitude de problématiques. Certes, l'originalité est importante, mais tu vois, quand on voit que tout ce qui est enfin, problématique de formulation clean, bah, finalement, ça ne correspond pas tant à un produit super D'accord. original. C'est plus un Oui, je vois, produit vraiment d'accord. bon et tout ça. Ou même les produits Ok. biologiques, on n'est pas sur de l'originalité, on est plus sur ouais, du naturel et pourquoi pas des atouts D'accord. pour la peau et tout. Donc du coup, ça te fait la note de 6 sur 8. Bah, mieux que ce que tu avais voulu. Donc c'est C'est bien. ça. Et si vous Cool. voulez un peu en savoir plus sur ces sujets, je vous conseille de regarder pourquoi pas l'interview de Leila Rocher-Podvin. C'est une marketeuse en fait qui s'est spécialisée dans tout ça. Il y a aussi tous les podcasts de Beauty Toaster qui interrogent souvent des différentes fondatrices et fondateurs, différents fondateurs d'Indie Bones. Et on a Steven qui intervient. Autre point aussi, c'est les tests sur les animaux. Ah Lush, ils oui. en font un peu leur étendard, mais je Ouais. sais pas non plus, je sais plus si tu as cité cette problématique. T'as raison. Ouais, ça c'est vrai, c'est une problématique aussi. Ah, c'est fou tout ce qu'il y a. Et je rappelle que tout ce qui est test sur les animaux, le paradoxe, c'est qu'en fait, dans l'Union européenne, ça fait des années que c'est interdit hein, de tester des produits cosmétiques sur les animaux. Donc, il y a un côté un peu marketing, justement, dans cette approche, dans ces appellations cruelty free et tout ça, parce que de toute façon, on Oui, n'a pas le vont droit faire en tout Union un truc européenne. alors que ouais, C'est c'est déjà ça. interdit quoi. Ouais. Ok. Autant la mouvance vegan, ça aussi, c'est notre problématique. Ça peut vraiment être quelque chose qui les démarque, puisque le fait de ne pas utiliser de produits venant des animaux, ça interdit l'utilisation de miel ou de squalane ou de rouge de cochenille dans le rouge à lèvres, toutes ces choses. Mais ouais, tout ce qui est cruelty free, c'est un peu léger quoi, d'insister là-dessus. Astrée? Bravo. Merci. Merci. Et du coup, nous arrivons à la fin de ce live de stéréo, de beauté Déjà, imaginée ça sur passe les Indie super Brands. vite. Bah ouais. Ça fait à peu près 1 heure, hein. Même avec nos problèmes techniques du début, ça fait 1 heure. Donc déjà, chers auditeurs, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Est-ce que vous avez des questions, éventuellement des remarques pour terminer? Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que les musiques n'apportaient rien, que notre voix se suffit? Léa, quelle info toi t'as la plus marquée là dans le vrai faux? Je réfléchis. Bah, je dirais, bon, même si je l'avais plus ou moins deviné, la partie avec les crayons là, c'est quand même très Ah étonnant. oui, c'est vrai, hein. Quand Ouais, même. et ça fait réfléchir à ce qu'on voit du coup sur Oui, c'est internet chez ça. les influenceuses beauté, ça peut faire un peu peur quoi. Ouais. Complètement. Alors, cri-cri. C'était très intéressant. Merci. Merci Cricri d'avoir écouté et participé, Alors, Steven. je pense que. Alors, merci pour ce live déjà d'une. Et je pense que les musiques qu'elles Merci d'avoir apportent. participé. Mais par contre, il faudrait en effet pouvoir contrôler le volume et faire une sorte de dégradé. Je pense qu'actuellement, ça peut être utilisé dans des temps de pause. Ah mince, j'ai pas Pendant compris. Je crois qu'on que c'est. pense aux questions, par exemple. Ah, pour les musiques, pardon, j'ai un. Pardon. Ouais, les musiques. Ouais, Si pourquoi par pas. exemple tu Là, poses une je l'ai question lancée, et que là, les je sais gens pas si vous réfléchissent. l'entendez. Ouais. Bah elle est Là, bien elle est là, je hyper trouve, la légère. musique. Ouais. Ouais. Ouais, d'accord. Peut-être qu'ils C'est vont un sympa. peu proposer plus de variantes ou de volume. Ouais. Donc, ouais. Astrée. Merci beaucoup pour ce live. C'était Merci, original Astrée. comme thème. Oui, je suis Merci d'accord. J'ai beaucoup. appris plein de trucs en vrai, hein. Je suis contente. Ah, bah cool. Juliette? Merci pour ce live. Merci Juliette. Et du coup, la semaine prochaine, je vais recevoir une autre Léa, figurez-vous, Léa Carbo, Ah. pour parler de ses tatouages qui seront tout frais lundi, qu'elle a fait aujourd'hui d'ailleurs. Toi, c'est un sujet qui t'intéresse, Léa? Les tatouages? Oui, ça m'intéresse. Je m'en Et ferai d'ailleurs, pas, mais ça m'intéresse. ouais, mais de Voilà. savoir ce qui pousse les autres à s'en faire, C'est ça. etc. Là, je suis en train du coup de le préparer. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'infos aussi sur les tatouages, même en ayant pas. C'est un grand thème. Est-ce que tu aurais une idée de question, pourquoi pas lui poser par rapport à ça? Ou une idée d'une caractéristique à faire deviner sur J'ai une elle question. dans la Hein. rubrique? J'avais plutôt pensé à une question. Ouais. Est-ce que pour elle, il faut toujours avoir une signification, enfin, pour faire un tatouage? Je ne sais pas si c'est français ce que je dis. Ah, ouais, d'accord, ouais, tout à fait. Ok. Ou c'est plutôt sur un coup de tête, ou voilà. Ou les deux, je ne sais pas. C'est elle qui nous dira Ouais. pour le coup. D'accord. Ouais. Bonne question. Merci, merci. Voilà. Eh bien, voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur Beauté Imaginée. Merci encore, Léa. C'était très sympa. Merci d'avoir pris ce temps. Merci Toi de qui es m'avoir assez reçu. occupée. Pas de souci. Merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés, d'avoir imaginé ma belle invitée Léa. Si vous voulez un soir être mon invitée, faites-moi signe. Vous pouvez me contacter sur mon Instagram Beauté Imaginée avec le tiret du 8 entre les deux mots. Nous avons à Ah, striker je un pense que ça va être programme. drôle le thème sur les tatouages. C'est encore une Ouais. fois c'est original et pour le coup perso je m'y connais pas du tout alors que tous les autres Ouais. thèmes qui ont été abordés je suis très Tu calée. gères. On l'a vu. Bah, du coup, ouais, on se retrouve lundi à 20h45 avec ma prochaine invitée Léa pour parler de tatouage. Je vous dis donc à très bientôt pour un À nouveau très live de bientôt. stéréo. À bientôt, merci À Léa, bon bientôt, bonne courage pour soirée. tes Au examens, revoir. bonne soirée tout le monde. Merci.